Le balai des gyrophares nettoie la ville de ses névroses. Mon corps titube sur le trottoir de la ville rose. Feu d'artifice sous mes paupières, les néons des vitrines dansent le Capitole sous les éclairs. Ce soir, Toulouse est en colère. Est en colère. Au-dessus de la ville.